trouvé le petit bouton en bas, hein, t'as vu, tu peux mettre le niveau du métronome comme tu veux. Attends, parce que là, moi j'ai mon Voilà. vue-mètre Après ça, qui on va pouvoir le s'allume. couper. Je vais mettre une batterie dessus, comme ça, on n'aura pas, on sera pas embêté par un. Ouais. Ça c'est fait, je Alors, l'ai je suis. baissé. On va mettre 70 comme tout à l'heure. Voilà, moi je vais synchroniser ma batterie. Oh, il y a l'image aussi. Chou. C'est chou. On peut se voir. Mais tu vas voir, il y a d'autres limitations qui font que c'est un peu moins cool. Mais voici déjà pour voir si on est déjà d'accord sur les tempi. Et après, ça va régler des soucis dans ma petite batterie cymbalesque. Ouais, attends, on va remettre, on a dit, on va remettre. Pourquoi tu souffles dans le micro? C'est pour voir les niveaux? Alors, est-ce que tu vois un petit bouton avec un micro? Attends, il est où d'ailleurs? Il est oui. À côté de. Dans tes contrôles à gauche, tu as ton instrument qui est Ouais. dessiné, que tu peux choisir. Là, des fois, il y a un petit Oui, mais j'arrête de câblage. souffler là. Tu Non, peux mais par choisir contre, j'ai ma basse qui ne l'instrument que se... tu Mon joues. micro, Et je à côté, il y l'entends a un dans petit mon microphone, un casque. petit symbole. Ouais. Et t'as une piste, deux pistes, t'as fait quoi? T'as du coup dans ton truc à gauche, là, t'as quoi? T'as combien de pistes maintenant? Allô, allô? Attends, merde, c'est vrai qu'on est en délai. Alors, je choisis quoi, Je vais te remettre moi? le micro comme La ça, tu guitare à montes un la peu basse, plus ok. vite. Super. J'ai une piste Est-ce là. que tu m'entends? Je t'entends plus. Voilà, ouais, là t'as branché le micro, je Ah, c'est vois. le petit Bon, micro ça qui permet clignote. Oui, moi je t'entends d'effacer très le bien, délai en hein. fait, parce que là par contre, quand on parle, on peut pas faire une conversation là-dessus, c'est pas fait pour. Il faut qu'on joue, c'est ce que je te disais, on va jouer sur une loupe en fait, on joue sur une boucle. Donc là, le fait de déclencher le microphone, ça enlève le délai un petit peu pour qu'on puisse parler quoi. Mais par contre, on peut pas D'accord. jouer dans ce mode-là quoi. Là, c'est juste pour parler. Ok. Voilà, donc là, je vais maintenant remettre la batterie. Alors, est-ce que tu as. Oui, tu avais une. T'as une piste ou deux pistes à gauche? Useful Qu'une encore, seule, quick. ouais, ça me paraît une bonne idée pour l'instant. Et ta basse, elle sort dans ton J'en truc ai ou mis pas? qu'une seule. Ouais, mais a priori, Et non, c'est ça qui est dans bizarre. tes Parce que préférences là, audio, tout est tu dois branché pouvoir sur ma choisir une ou deux box pistes. D'après, Behringer. t'as pas choisi la. Mon T'as n'as micro choisi qu'une. marche, Ton et pas micro, ma il doit être basse. en 1. Si tu inverses ton truc, tu vas avoir ta basse, t'auras plus la voix. Mais. Donc il Alors, faut j'y quand même vais. deux entrées. Alors, Je sais pas si tu peux le faire en étant branché, je sais pas comment ça marche là. Ce sera peut-être obligé de redémarrer. Hein. Encore entrée là, il est quelle heure? 16h, je vais bientôt devoir partir. Chercher le fiston.